Le boulot par André Theuriet. Je venais d'entrer, en compagnie du garde forestier brûlant, dans la grande friche du Paquis aux Dames. Bien qu'on ne fût encore qu'au dernier jour d'avril, il faisait grand chaud. Nous avions couru les bois depuis le fin matin. Le ciel n'avait pas un nuage et le soleil de midi nous tombait d'aplomb sur la tête. Ravageau, le chien du garde, portait bas la queue et tirait la langue, et pour ma part, je commençais à me sentir la gorge sèche et à traîner la jambe. Mes yeux fatigués interrogeaient la grande friche soleillée, gazonneuse, que bordaient au loin les vertes lisières de la forêt. Ça et là, quelques touffes de genévriers grisâtres, quelques sveltes bouleaux, troncs de satin blanc et à la cime échevelée. Partout une herbe rase, semée de serpolets et d'origan, ce qui est un signe de sécheresse. Nulle part le moindre indice d'une source prochaine. Je me laissais choir au pied d'un bouleau, sur le gazon fleuri d'anémones pulsatiles et de polygala. Dans le bleu profond du ciel, les alouettes montaient, montaient et chantaient à perte de vue. « Je n'en puis plus, » dis-je brûlant, « je meurs de soif. »« N'est-ce que cela ?» répondit le garde. « Attendez, je vais vous faire boire une limonade de ma façon. » Il s'agenouilla près de moi, tira de son carnier une vrille et se mit à perforer la base du bouleau qui nous abritait. « Comment ? » m'écriai-je indigné. « Vous, brûlant, un vieux forestier, qui devait avoir l'amour et le respect des arbres, vous allez meurtrir ce bouleau inoffensif et charmant. Quel caprice vous pousse à l'assassiner sans pitié ?»« Laissez donc, » répliqua-t-il. « Je ne lui ferai qu'une petite saignée. Il n'en mourra pas. » Il continuait à tourner sa vrille, obliquement et de bas en haut. Quand elle fut enfoncée à une profondeur de 2 pouces, il la retira et ajusta dans le trou un brin de chalumeau. « Maintenant, » fit-il en posant sous ce rustique robinet, son gobelet de hêtre cerclé d'acier, « avant un quart d'heure, vous aurez de quoi vous rafraîchir. Pour vous faire prendre patience, je vais vous dire toutes les bonnes qualités et vertus du bouleau. » Il alluma sa pipe et continua. « Vous autres, amateurs, qui vous en tenez aux apparences des choses, vous ne voyez là qu'un joli arbre et cela vous suffit. Nous, nous voulons que le bon soit le camarade du beau et ce bouleau que vous estimez pour sa prestance et sa gentillesse, nous le prisons surtout pour son utilité. D'abord, il croît rapidement. À 6 ans, il donne déjà de la graine, et sa croissance n'est pas nuisible à ses voisins à cause de la légèreté de sa ramure qui laisse passer l'air et le soleil. Ensuite, il n'est point d'usage auquel on ne l'emploie. Comme chauffage, il a une flamme claire et réveillante. En hiver, quand vous voudrez avoir une régalade, brûlez-moi du bouleau. Les boulangers le savent bien, eux qui le préfèrent à tous les bois pour chauffer leur four. Avec son fût, on fait des jantes de voiture. Le sabotier y taille des sabots, des chattes, des cuillères et des gobelets. Les salières pendues sous le manteau de nos cheminées de cuisine sont en bois de bouleau. Son écorce sert à tanner le cuir et à lui donner une belle couleur jaune. Avec ses branches, on fait des cercles de tonneaux. Avec ses brindilles, des balais qui vous nettoient un pavé mieux que vos chétifs balais de bruyère. Du temps où j'allais à l'école, on en fabriquait même des verges avec lesquelles le maître nous remémorait l'alphabet. Mais c'est un fâcheux souvenir, passons. Les chèvres aiment le bouleau et se nourrissent de ses feuilles fraîches. Et moi qui vous parle, je me suis guéri d'un rhumatisme en me couchant dans un lit bourré de ses feuilles sèches. Enfin, ajouta-t-il en me tendant le gobelet plein d'une limpide liqueur, sa sève va nous rafraîchir et nous ragaillardir. J'approchai mes lèvres de la coupe et je bus d'un trait cette liqueur sapide et parfumée. C'était exquis. « Encore, encore » m'écriai-je, en replaçant le gobelet sous le chalumeau d'où la sève perlait goutte à goutte. 2 fois, je savourai ce breuvage frais et aromatique. Il me semblait que je me désaltérais à la source même du printemps. Brûlant me regardait d'un air narquois, et sa vieille figure tannée grimaçait un sourire. Les alouettes chantaient dans le bleu. Au-dessus de mon front, le bouleau balançait ses fines branches souples et pendantes. Était-ce l'effet du soleil d'avril ou de la mystérieuse liqueur? Je ne sais, mais j'éprouvais une délicieuse griserie, un voluptueux enivrement. On eût dit que dans mes veines circulait et fermentait la sève des plantes forestières, et que moi-même j'allais verdir et bourgeonner. Peu à peu, l'hallucination augmenta. Il me semblait que mes pieds s'enfonçaient dans le sol comme des racines, que mon corps, emprisonné par l'écorce de satin blanc, montait droit vers le ciel, et que je versais au vent ma verte chevelure. J'étais devenu un bouleau. L'air jouait mélodieusement dans mes branches couvertes de chatons en fleurs. Les fauvettes chantaient dans ma feuillée légère. À mes pieds s'épanouissaient les sauges bleues odoriférantes. Je grandissais, je montais toujours plus haut, et ma verdure lustrée et frémissante frissonnait au souffle chaud de l'été. Je semais à tous les vents mes graines ailées. Septembre dorait mes petites feuilles dentées. Octobre les éparpillait sur la pelouse. Mais alors, et c'était le revers de la médaille, les premières givres glaçaient mon écorce, puis venaient les frimas, ô douleur, et les bûcherons. J'entendais leurs clameurs. Leurs cogniers frappaient ma base à coups redoublés, et je sentais leurs efforts violents pour me jeter à terre, tant et si bien que je m'éveillais. Brûlant me tirait vigoureusement par les pieds, et le chien rabat-joie aboyait en bondissant autour de moi. « Oula ! » dit le forestier en riant aux éclats. « La sève du bouleau vous a monté à la tête, et vous avez fait un somme. Mais voilà le soleil qui baisse. La maison forestière est loin, en route.